temps de soupir. Je t'aime, oh oui, vraiment. C'est notre instant de cuir. Ta douceur, je la sens. Je veux être ton martyr. Je t'aime vraiment. Tu es mon devenir, mon aquarium, mon monde d'enfant. Tantôt pleine de cris, tantôt pleine de cœur. Avec amour, retiens mon cœur. Ma Pénélope, je ne veux pas repartir. Je suis seul depuis trop longtemps. Chercheuse d'infinis, dévotes et satyres, nos grands esprits contempteurs. Oh ma Pénélope, mon amoureuse. Je me je t'aime vraiment.